إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue inshallah bi'aunillah azza wa jal l'explication de cette série intitulée l'ornement précieux des époux vertueux. Et donc le dernier cours, on a fini de parler des règles qui tournaient autour des règles de jurisprudence, bien entendu, qui tournait autour du mariage, et plus précisément du contrat de mariage, en ayant fini d'expliquer les quatre conditions et également les deux piliers du mariage. Et on avait également rappelé un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concernait le fait de payer ou de donner la dot que l'on doit à la femme lorsqu'on se marie. Et parmi les hadiths qu'on avait cités, ce hadith de Uqbat ibn Amir radiyallahu ta'ala an, anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, inna ahaqqa shurut an yuwaffa bih mastahalaltum bihi al-furuj. Et qui est un hadith muttafaqun alayh. Inna ahaqqa shurut, c'est-à-dire donc les conditions qui sont les plus importantes à remplir. Mastahlaltum bihi al-furuj. Ces conditions par lesquelles vous avez donc rendu ce rapport avec cette femme permis, bien entendu aux yeux de la religion. Ça, c'est la signification du hadith. Et donc, on avait dit que, bien entendu, la plus grande des conditions pour ce qui était de cela, c'était, bien entendu, el-mahr, c'était la dot. Mais également, et on va rentrer dans le sujet des conditions qui sont posées, et dans la plupart des cas, bien entendu, par la femme. Et à travers ce hadith, qui est donc général et qui va prendre en considération les conditions qui vont être posées, certaines conditions qui vont être posées, il est bien de connaître et de savoir quelle est al-dhabit, c'est-à-dire quelle est la règle pour ce qui concerne ces conditions. C'est-à-dire, qu'est-ce que la femme elle a droit de poser comme condition, qu'est-ce qui lui est interdit, qu'est-ce qui va à l'encontre de la religion, etc. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, yaqul, al-dhabitu al-shar'i, anna kulli shart, khalafa hukmu Allah, خالف حكم الله تعالى فهو باطل وما لم يخالف فهو لازم. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend tout simplement que la règle religieuse ou législative par rapport à ce qui concerne les conditions, et ça, bien entendu, c'est pour ce qui est des conditions de manière générale, elle rentre bien entendu dans ces conditions-là que certaines personne pose lors du mariage, lors du contrat de mariage. Il nous dit donc la règle à savoir ici, et qui est une règle générale, et que l'on applique donc à tout ce que l'on va connaître, il dit chaque ou toute condition qui va à l'encontre de la loi d'Allah, le Très-Haut, alors elle est invalide. Fawabat, elle est invalide. Et ce qui ne va pas contredire donc cette loi, وَمَا لَمْ يُخَالِفُ فَوَ لَازِمْ, alors on doit s'en acquitter. C'est-à-dire, si cette condition ne va pas en contradiction avec la loi d'Allah, alors on doit s'en acquitter. فَوَ لَازِمْ. Ça, c'est la règle que nous donne Ibn al-Qayyim, qui est générale et qui nous fait comprendre quelle est ici donc ou sur quoi on doit se baser pour comprendre donc ce qui rentre فِي بَابِ الشُّرُوطِ, dans les conditions, et plus précisément ici le hadith. Si on donnait des exemples, pour ce qui est, bien entendu, qui ne va pas en contradiction de la religion, et qui peut même être en totale harmonie avec la religion. Comme on l'a dit, la valeur de la dot, donc la valeur de la dot, où ça rentre dedans, taïb. Des conditions aussi qu'elle peut poser, des conditions qui vont être générales pour certains cas, et ça tout dépend bien entendu des cas. Par exemple, si elle demande, cette femme-là, qu'elle ne sorte pas de son pays. Elle pose par exemple comme condition, si elle se marie avec cet homme, qu'elle ne sorte pas de son pays. Bien entendu, si elle vit dans un pays musulman. Ou alors, qu'il ne la sépare pas de son père et de ses enfants. Ça aussi, c'est une condition qui peut être posée pour s'en assurer. Et donc, bien entendu, si le futur époux il accepte, alors bien entendu, à plus forte raison, ça sera donc à lui de remplir cette condition de par cet acte qu'il a contracté. Pour ce qui est de l'interdiction, c'est-à-dire, si on regarde donc la règle de Ibn al-Qayyim, et c'est une règle où tous les savants se sont conformés à elle de façon générale, et on a vu dans la deuxième partie ce qui était donc en contradiction avec la loi religieuse, par exemple le fait qu'elle demande qu'il divorce, si par exemple cet homme est déjà marié, et donc elle vient donc en concubine ou en deuxième épouse, qu'elle pose par exemple comme condition qu'il divorce d'avec sa femme. Ça, par exemple, c'est une interdiction. Il nous est venu même une interdiction de la parole même du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous interdit cela dans un hadith authentique. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La tas'alul mar'a talaqa ukhtiha li takfa'a ma fi ina'iha. Qu'est-ce que ça veut dire ce hadith? Ce hadith là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La tas'al, c'est-à-dire ici la nahiya, c'est une interdiction. Hadha an-nahy min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme ne demande pas le divorce de sa sœur. Litakfa'a bimana litastafriya, c'est-à-dire litakfa'a ma fi ina'iha, c'est-à-dire donc qu'elle déverse ce qui est dans le récipient ou le plat de sa sœur. Et dans certaines versions, il est précisé qu'Allah Azzawajal, c'est lui qui pourvoit aux besoins. Donc on comprend par rapport à cela que la femme peut faire cela tout simplement par niya, c'est-à-dire par son intention, qu'elle a peur donc du risque, le fait que son mari se retrouve avec deux femmes. Ou autre raison, à la kulli hal, dans ce hadith, il est interdit que la femme demande le talaq de la deuxième, ou de la première, bien entendu, de la première. Donc dans ce cas-là, si la femme elle demande cela, c'est tout simplement batil. C'est-à-dire sans contradiction avec la religion. Donc on revient à la règle d'Ibn al-Qayyim qui nous avait cité, et tout simplement on va réfuter cette condition. Elle ne sera même pas prise en compte, batil. Même s'il a été accepté cela par ignorance, elle est batil, elle n'est même pas reconnue au niveau du din parce qu'elle est en pleine contradiction. Également, par exemple, de ne pas partager équitablement les nuits, si par exemple également le cas d'une concubine, qu'elle demande que son prochain mari donc ne partage pas équitablement les nuits avec sa première épouse ou sa deuxième épouse, etc. Ça rentre dans ce qui est interdit et qui est en contradiction avec la religion. Donc bien entendu, ça c'est batil, comme nous l'a dit le cheikh Fawa batil. Également, ce qui va rentrer dedans, وَنْ كَنَا مُخْتَلِفْ أَوْ مُخْتَلَفًا فِي, c'est pour ce qui est du refus de la polygamie. C'est-à-dire que la femme, lorsqu'elle va se marier avec son mari, elle va poser comme condition qu'il ne se marie pas avec une autre femme. Donc, elle va poser comme condition qu'il ne pratique pas la polygamie. Est-ce que cela va être pris en compte, et est-ce que on doit se baser sur ça, si ça a été contracté? Il faut savoir que certains savants disent que si ça a été contracté, il est permis, si ça a été contracté, alors on doit l'appliquer. Et ça c'est Qawl al-Hanabila, al-Hanbalit. Et qui est aussi la parole de certains savants d'aujourd'hui. Et d'autres qui disent que c'est batil, que c'est une condition qui est complètement fausse. Et ils vont prendre comme preuve, et cette preuve-là, elle est très forte, du hadith qu'on avait déjà étudié dans dans le livre Min fi kitab Bahjatu Qulub al-Abrar du Cheikh Saadi, un hadith qu'il avait déjà expliqué, qui est un hadith de Amr ibn Auf al-Muzani radiyallahu ta'ala anhu. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال المسلمون على شروطهم, c'est-à-dire donc que les musulmans, ils doivent remplir les conditions qu'ils ont émises entre eux. إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما, sauf une condition qui a rendu interdit ce qui est permis, ou une condition qui a rendu permis ce qui est interdit. Donc on voit que cette condition va venir interdire ce qui est permis chez l'homme, c'est-à-dire ta'addud, qui est mashrou' et qui est permis à cet homme, que la religion lui a donné comme droit et comme permission qu'il prenne plusieurs femmes. Et cette condition, elle va venir tout simplement lui interdire ce halal, ce qui lui est donc permis. Illa shartan harrama halalan. Et ça, c'est la parole de beaucoup, beaucoup de savants, et plus précisément min ahli al-hadith, qui voient que c'est une parole ou c'est une condition qui ne peut être valable et qui ne peut être acceptée, et dont on ne peut prendre en compte, même si elle a été contractée. Et la femme qui fait cela, elle va rentrer sous deux points qui sont très graves. Dans un premier temps, tasuddu an sabilillah, c'est-à-dire donc qu'elle va empêcher la voie d'Allah azawajal, tasuddu an sabilillah. Et la deuxième chose, anna asiya, c'est qu'elle est pécheuse. Et pourquoi cela? Parce qu'à l'origine, pour la femme non qui va interdire son mari la polygamie, que ce soit, là on parle de façon plus générale, c'est-à-dire donc que ce soit même après le mariage, que les époux donc vivent déjà ensemble et même qu'il n'y a pas eu de contrat de mariage. Pourquoi? Parce qu'elle asl, c'est-à-dire à l'origine, lorsque l'homme, il va obliger sa femme à faire quelque chose, qui est une chose qui reste dans ce qui est permis au niveau de la religion. Lorsque lui, il lui donne cet ordre-là, alors à ce moment-là, par rapport à elle, c'est bien entendu donc, ça reste dans ce qui est du permis, et elle en a la capacité, c'est-à-dire de l'accomplir, d'accomplir cela, alors ça devient dans son droit wajib, c'est-à-dire une obligation. Et donc, le fait qu'elle va interdire ce que Allah Azzawajal l'a permis, et qu'elle va tout faire donc pour ne pas que ça se fasse, alors dans ce cas-là, elle va tomber donc dans le péché. Et la deuxième chose, yatasuddu an sabilillah. Et cette parole-là, ou ce qu'on vient de citer, c'est exactement ce qu'a dit l'imam, un des imams de ce siècle-là, et qui est l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi. Donc voilà pour ce qui est donc des conditions. Et donc ensuite, on peut faire une analogie donc avec ce qui vient d'être cité. Est-ce que cette condition va à l'encontre de la religion, ou est-ce qu'elle ne va pas à l'encontre de la religion? Voilà tu khalif hukmullah, c'est-à-dire qu'elle ne contredit donc pas la loi d'Allah. Donc bien entendu, après c'est du cas par cas. Également une chose que l'on va citer avant de passer à ce qu'on appelle donc al-urs, ou plus précisément i'lan un nikah, qui est donc d'annoncer le mariage. Et une chose qu'on avait déjà vue dans les shurut, donc on y reviendra. Et avant de commencer dans cela, on aimerait faire une parenthèse et un point qui est également important à citer et qui concerne certainement beaucoup de jeunes. C'est ce qu'Allah Azzawajal nous a permis à la base, et qui est le mariage avec ce qu'on appelle les gens du livre, les femmes bien entendu des gens du livre, que ce soit donc la femme juive ou que ce soit la femme chrétienne. À la base, bien entendu, tout le monde le sait, d'après le nusus al-shar'iyya al-wadiha, c'est-à-dire d'après les textes, qu'ils soient coraniques ou autres, qui sont clairs et qui permettent donc aux musulmans d'épouser une femme de parmi les gens du livre, qui les permet donc ce mariage. À la base, c'est quelque chose bien entendu qui est permis, mais il faut savoir que certains savants, ils ont eu un autre avis pour ce qui est donc de cette permission. Et lorsqu'on dit bien entendu un autre avis, ce n'est pas dans le sens un avis qui va contredire la religion, bien au contraire. Et parmi ceux qui ont vu cela, le même savant qu'on a cité précédemment, et qui est Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh, qui nous explique dans une de ses cassettes que pour ce qui est de la femme chrétienne de nos jours, donc il va bien dire, il vient bien préciser, il faudra bien comprendre que ce hukm qui va être dit du Cheikh, que cette loi qui va être dit du Cheikh, d'après bien entendu son ijtihad, ça va être une loi qui est bien entendu suivant notre temps, suivant le temps où l'on vit. Bien sûr, le Cheikh il dit, et ça il le cite, qu'à la base c'est permis. Lakin, il va bien nous faire comprendre quand ça a été permis et pourquoi c'était permis. Il nous dit dans un premier temps, il va nous faire apparaître ici des facteurs. C'est-à-dire le premier facteur, c'est Irtilaf al-Jaw al-Islami an al-Jaw al-Islam al-Awwal. C'est-à-dire la différence qu'il y a entre ce qu'on pourrait donc appeler l'islam, c'est-à-dire l'islam qui est pratiqué par les gens de nos jours. Et comment l'islam est mis en pratique donc, que ce soit au niveau de la société, que ce soit au niveau des personnes. Et également par rapport, et donc en comparaison avec cet islam-là, comment elle était pratiquée par les gens, et comment donc elle a influencé les gens, que ce soit donc les musulmans et les non-musulmans, dans les premiers siècles de l'islam. Donc du temps des salafs, et après aussi. Et il va nous faire comprendre, le Shir, que l'éducation de ces gens-là à l'époque, et bien entendu ici on va revenir pour ce qui est plus précisément de Al-Nasraniya, c'est-à-dire de la femme qui était chrétienne, et également l'Yahoudia, ça fait partie des gens du livre, c'est-à-dire la juive. Il disait qu'à cette époque, déjà il y avait une tarbiya, c'est-à-dire qu'il y avait donc une éducation qui a été donnée donc à ces femmes. Et c'était des femmes qui avaient du sharaf, qui avaient de l'honneur. Des femmes qui avaient al-ghayra, qui avaient la jalousie bien entendu religieuse, qui est dans le bon sens. Ou al-muhafadatu al-irb, c'est-à-dire également qu'elles protégeaient et elles conservaient leur honneur. Et même, encore plus loin que ça, c'est qu'à cette époque, la femme qui était juive et la femme qui était chrétienne, elles étaient même voilées. Elles étaient couvertes et voilées. Donc c'était des femmes qui avaient un niveau de pratique au niveau de leur religion. Ce qui est contraire à ce que l'on peut voir d'aujourd'hui. Lorsqu'on dit une femme chrétienne, bien entendu, la chrétienne, elle reste la chrétienne, par rapport bien sûr à l'as, par rapport à l'origine. Que ce soit une femme qui vit en Europe ou autre, et suivant bien entendu son degré de religion. Elle va rester une chrétienne, et le hukm va être le même pour elle. Et lorsqu'on regarde maintenant et on compare, on va s'apercevoir de la différence d'une femme qui est déshabillée, d'une femme même qui n'a plus en fait de règles au niveau de sa religion, et on parle bien entendu pour ce qui est al-arab, c'est-à-dire pour ce qui est des cas les plus répandus, et c'est par rapport à ça qu'il parle le shir. Une femme qui ne prend même plus en compte ce qui est halal et ce qui est haram, ce qui est permis et ce qui est non permis, même par rapport donc à sa religion, et qui va revenir à beaucoup de choses qui remènent à notre religion. Taïb. Et encore beaucoup de choses. Et donc lorsqu'on s'aperçoit de cela, et la personne qui va se marier avec une telle femme, comment il va vivre avec elle, et plus précisément, comment va advenir l'éducation des enfants ? Sachant que l'éducation des enfants, et on parle encore plus précisément ici, pour ceux qui vont vivre dans un pays non musulman, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que la plupart de ce qu'on voit, ceux qui se marient avec des non musulmanes, dans la plupart des cas, c'est des gens qui vivent dans des pays non musulmans. Il faudra savoir que l'influence de la mère est l'influence de la société. Et que la plupart des cas, ces gens qui se marient avec ce genre de femmes, et ça on parle par expérience et tout le monde le sait, sont des gens qui sont bien souvent ignorants de la religion, ou qu'ils ont une pratique de la religion qui va être des plus légères. Alors comment eux ils vont pouvoir influencer d'après cette science qu'ils ont et d'après cette pratique qu'ils ont. Donc regardez les conséquences que ça va donc engendrer par rapport à l'éducation des enfants et autres. Et les savants vont revenir à une règle également ici. C'est bien entendu darul mafasid muqaddam ala jalb al masalih, c'est-à-dire repousser ce qui va être néfaste, bien entendu pour la religion de l'homme, pour la vie de l'homme, etc., va être mis en priorité pour ce qui est donc de l'apport de ce qui est, de ce qui lui est profitable, al masalih, de ses intérêts. Donc c'est une règle qui va s'appliquer ici. Et donc c'est pour ça qu'à partir de là, au minimum, les savants ne conseillent pas ce mariage. Et au pire, et comme c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, qu'ils voient que ce n'est pas permis. Enam. Qu'ils voient que ce n'est pas permis, comme lui l'a dit le Cheikh, de façon les plus explicites. Lorsqu'il a dit qu'il détestait, on lui a posé la question comment il détestait, il a dit Adam in Bab al-Tahrim, c'est-à-dire comme une interdiction. Et ce n'est pas donc interdire ce qu'Allah Azzawajal a rendu légitime dans ce cas-là. Mais c'est en regardant tout simplement le cas où ça a été autorisé et au moment où ça a été autorisé et dans le cas où on vit. Si par exemple, bien entendu, une chrétienne ou une juive qui suivrait sa religion, qui aurait donc les sifats ou ce qu'on a cité auparavant, c'est-à-dire donc les qualités, etc., alors bien entendu, ça revient toujours à l'asl. Ça reviendrait donc toujours à ce qui est d'origine, le hukm al-asli, c'est-à-dire ce qui va être la loi d'origine et qui est donc la permission. Et parmi également le mafasid, parmi également ce qui est très néfaste pour les musulmans de façon générale, c'est que l'on trouve beaucoup de musulmanes qui ne trouvent peut-être pas de mari. Alors comment le musulman, lui, il va aller voir chez les non-musulmans et se marier avec des non-musulmanes alors que des musulmanes sont présentes et elles ne trouvent peut-être pas de mari. Donc là aussi c'est encore une mafsada, c'est encore une mafsada qui est présente de nos jours. Wallah musta'an. Ensuite donc on continue par rapport donc à ces cours. Et donc après, bien entendu, que le mariage ait été contracté et qu'il ait été valide, il vient alors, à ce moment-là, ce qu'on appelle « i'lan al-nikah ». « I'lan al-nikah ». Et lorsqu'on dit, bien entendu, « i'lan al-nikah », ça on l'a déjà vu dans les cours précédents. Et on a vu que certains savants, donc bien entendu la traduction de ce terme qui veut dire « annoncer le mariage », on a vu que chez certains savants c'était « mustahab », c'est-à-dire que c'était recommandé. Et bien entendu ceux qui ont dit que c'était recommandé, ils ont vu que l'ishad, c'est-à-dire le témoignage, lui c'est lui qui est recommandé. On a vu que c'était l'avis de l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i et d'autres, alors que chez certains savants i'lan al-nikah c'est carrément une condition. Comme on l'a vu, c'était l'avis de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, i'lan al-nikah. Et comment donc il va se faire, comment va se faire cette annonce? Elle va se faire, bien entendu, par ce qu'on appelle al-afrah, ou al-urs, qui est bien entendu la fête, ce qu'on pourrait traduire donc la fête du mariage, et qui va être bien entendu accompagnée de ce qu'on appelle al-walima, de ce qu'on appelle al-walima. Al-walima, ça c'est en fait la nourriture que l'on va manger spécialement donc durant cette fête-là, al-urs, al-walima. Taïb. Donc pour ce qui est de Al-Urs, et qui va donc être i'lan al-nikah, par rapport à cela, il va tout simplement être concrétisé ce qui est recommandé chez certains savants et qui est donc une condition chez d'autres, et qui est donc d'annoncer ce mariage-là, et que les gens donc savent, et c'est ça le hikmah, c'est ça la sagesse, que les gens ils savent qu'ils se sont bien mariés. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire dans un hadith qui est authentique, rapporté par l'imam al-Tirmidhi, والنسائي وابن ماجه et qui est un hadith dont sa chaîne de transmission est Hassan, comme Hassanahu Cheikh Al-Albani fil Irwa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الضرب الضرب بالدفوف والصوت الضرب الضرب بالدفوف والصوت. C'est-à-dire, ce qui va différencier ce qui est haram de ce qui est halal, de ce qui est licite ou de ce qui est illicite de ce qui est licite, c'est de ad-darb, donc qui est le fait de taper ad-darb et de taper sur ce qu'on appelle bid-dufouf, et bid-dufouf qui est le pluriel de douf, qui est la timbale, que l'on traduit donc par la timbale, ad-douf, ad-darb bid-dufouf, donc frapper sur les timbales, was-saut, bien entendu, donc la voix, ou de façon générale les voix, c'est-à-dire donc les voix, la joie qui va sortir de ce jour-là, ou plutôt de cette fête-là. Donc par rapport à cela, il va tout simplement avoir un i'lan, il va donc avoir une annonce qui va être faite automatiquement. C'est pour ça que le prophète sallam yaqul faslu ma bayna al-haram wa al-halal. Donc c'est ce qui va différencier et ce qui va séparer donc ce qui est haram et de ce qui est halal. Et on avait vu que pour ce qui était du zina, c'est ce qui était fait donc en secret. C'est ce qui était fait en secret. Et donc à partir de là, lorsqu'il va avoir al-i'lan, ça va être bien entendu ici, comme on comprend du hadith, ce qui va séparer de ce qui était donc interdit, secret, et qui va donc être rendu public. Et ce qui est rendu public, c'est ce qui est licite. Et c'est le, bien entendu, le mariage légiféré. Et donc également ici, on va s'apercevoir qu'il est permis donc, et ça c'est pour les femmes, d'utiliser donc les timbales ce jour-là. Et également de chanter des chants. Bien entendu, lorsqu'on dit des chants, il ne faut pas qu'il y ait à l'intérieur de ces chants-là des paroles de perversité, incitation au mal, ce qui éveille les passions, etc. Donc, bien au contraire, ce qui rentre dans le bien. Taïb. Et on va le voir également dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également donc, lorsqu'on dit ad-douf, c'est la seule chose qui nous est permise, de par ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'autres hadiths également, comme on va les voir. Et donc ne pas confondre cela et ce que font beaucoup de musulmans, Allah al-Musta'an, de nos jours, et qui utilisent donc durant ces fêtes de mariage ou la fête du mariage, qui utilisent tout simplement ce qu'on appelle les instruments musicaux, al-ma'azif, alors que cela a été interdit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce de la manière la plus claire, comme dans ce hadith qui nous est rapporté par l'imam al-Bukhari ta'liqan wa salahu Abu Daoud wa sahih, un hadith qui est authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul la yakunanna min ummati aqwamun yastahillun al-hirra, c'est-à-dire donc al-zina. Donc il y aura certainement, donc ici ta'kit, nun ta'kit, il y aura certainement parmi la communauté des gens qui vont rendre licite yastahillun ce qui donc est l'adultère, wallah al-musta'an, wal harir, la soie, wal ma'azif, les instruments musicaux. Donc on voit que ces trois choses, bien entendu, sont interdites pour cette communauté-là. Et ce qu'il rentre, les trois choses qu'il a citées le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi ces trois choses, al-ma'azif, les instruments. Donc ceci est une preuve. Ceci est une preuve de la sunna, une preuve explicite, qui est claire, que cela, bien entendu, est interdit. Et que c'est ce qui va rentrer dans les al-mukhalafat, dans ce qui est totalement contradiction avec la religion, ce que font beaucoup de musulmans de nos jours, wallah al-musta'an. Et qui est bien entendu une cause, une grande cause, qui va faire que l'on va, si on est invité à ce genre de fête, alors qu'on doit la délaisser, qu'on doit s'en écarter, et qu'on ne doit pas répondre à cette invitation. Lorsqu'on voit, wallah al-musta'an, al-ikhtilat بين الرجال والنساء وكذلك الموسيقى donc استعمال المعازف et d'autres encore منكرات والله المستعان. Également un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, et qui nous précise également qu'il est permis donc ce qu'on appelle al-rina, et bien entendu ici bimarna les chants, et quand on dit bien entendu les chants, ce qui est accompagné dans ce cas là de ad-douf, ce qui est accompagné donc des timbales, sans plus, et avec les conditions qu'on a citées. Ce hadith qui est rapporté par Ar-Rubayyi' bint Mu'awwidh radiyallahu ta'ala anhu. Ja'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadkhul hina bunya alayh. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu une fois que donc elle a consommé le mariage. فجلس على فراشي كمجلسك مني, c'est-à-dire donc qu'il s'est assis donc sur l'endroit où on s'asseyait, comme il l'a fait, comme toi tu l'as fait, c'est-à-dire bien entendu ici par rapport à celui qui rapporte le hadith. فجعلت حويريات لنا يضربن بالدف, c'est-à-dire donc des servantes, des femmes servantes, esclaves, qui ont commencé donc à taper sur la timbale. ويندبنا من قتل من آباء يوم بدر, يوم بدر, c'est-à-dire qu'elle également donc يندبنا, qui est du terme النُدْبَة, et qui est donc ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه, c'est-à-dire donc rappeler celui qui est mort par des bons attributs, et ça ici c'est une preuve que c'est permis bien entendu quand ceci ne rentre pas dans ce qui est l'exagération ou autre, et qui reste sur la vérité. Et elle, donc, elle faisait cela, elle rappelait donc les bonnes qualités de ces gens-là, ceux qui ont été tués parmi, bien sûr, nos pères, Yom Badr, c'est-à-dire durant la bataille de Badr. إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ, الله المستعان. Lorsqu'il y en a une parmi elles qui a dit, il y a parmi nous donc un envoyé qui connaît ce qu'il y a demain. Et tout de suite, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va répondre à ceci. Et c'est encore une des preuves qui est plus que claire, que seul Allah azza wa jalla connaît l'invisible. Lorsqu'il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَقَالْ دَعِي هَذِي وَقُولِ الَّذِي كُنْتِ تَقُولِينَ, c'est-à-dire, délaisse cette parole-là, cette parole que tu viens de dire, et dis ce que tu disais, c'est-à-dire les autres choses que tu disais, que tu chantais. Mais dans une autre version qui est l'authentique, Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ya'lamu ma fi radin illallah. Personne ne connaît ce qu'il y aura demain sauf Allah subhanahu wa ta'ala. On voit ici comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite répondu et a protégé donc le tawhid ici. Et bien entendu, ala min bab tawhid ar-rububiyyah, c'est-à-dire que le fait de dire qu'un autre qu'Allah azza wa jalla connaît l'invisible, c'est une contradiction, une pleine contradiction avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans sa souveraineté, subhanahu wa ta'ala. Et comme a dit Allah Azza wa Jal à propos de son prophète, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ, si j'aurais connu l'invisible, alors j'aurais demandé en abondance et je me serais procuré en abondance le bien. Donc à la kulli hal, shahid, le témoin argumentatif dans ce hadith, c'est le fait qu'il y ait donc cette urs, et qu'il y a eu ici dans ce hadith authentique ad-darb bid-duf. Il y a un autre hadith également que l'on va citer, qui est un hadith de Aïcha radiallahu ta'ala anha, et qui est un hadith également authentique, hadith rapporté par l'imam al-Bukhari. Annaha zaffat imra'atan ila rajulin min al-ansar, c'est-à-dire qu'elle a conduit, Aïcha l'a conduit une femme à son homme, c'est-à-dire à son nouveau mari. Elle l'a conduit donc à son nouveau mari. C'est elle, Aïcha, qui l'a conduit à son nouveau mari. فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ يَا عَيْشَةُ أَمَّا كَانَ مَعَكُمْ لَهُونَ, c'est-à-dire, ô Aïcha, n'y avait-il pas avec vous lahoun, donc ici un divertissement. Et dans d'autres riwayat, comme va nous le préciser Ibn Hajar fil Fath, c'est-à-dire le maqsoud al-darb, darb alal al-duf. فَإِنَّ الْأَنصَارِ يُعْجِبُ مَنْ لَهُ, c'est-à-dire donc que les Ansar, ils aiment donc ce divertissement-là. Le divertissement. Ou al-Maqsoud, comme on l'a dit dans l'autre version, qui est ici ad-douf. Donc ça, c'est pour ce qui est donc ce qui est permis ce jour-là, comme divertissement. Et bien entendu, ici, c'est pour ce qui est dans le cas des femmes. Pourquoi ? Parce que tout ce qui nous est advenu comme hadith, c'est dans le cas des femmes. Ici donc, on reste suivant cette restriction. Et ceci donc n'est pas permis, c'est-à-dire donc de taper sur les timbales, ce n'est pas permis pour les hommes. Et ça reste donc spécifique aux femmes. Maintenant, pour ce qui est, on a parlé de l'urs. Pour ce qui est de l'walima, on a bien dit la différence qu'il y avait entre l'urs ou l'walima. L'walima, c'est tout simplement donc la nourriture que l'on va consommer durant donc cette fête-là. Et donc, ce que l'on nomme al-walimatu, al-walimatu. Il faut savoir qu'auprès de la plupart des savants, son hukm, c'est-à-dire donc, pour ce qui est donc de son statut, al-walima, c'est mustahab. C'est-à-dire donc que c'est recommandé, et c'est même très recommandé, muakkad. Ça, c'est auprès de al-jumhur et al-ulama. Mais il faut savoir que d'autres savants, eux, ils disent que c'est wajib. Ils vont, bien entendu, se référer à des preuves, et qui sont très décisives. Et ceux qui ont dit cela, c'est l'imam al-Shafi'i, également l'imam Malik, et c'est le madhab des al-Zahiriyya. Et c'était également le choix de l'imam al-Albani, rahmatullah alayhi, wa rahmatullah al-Jami'a, qui est wajib. Et bien entendu, cela repose sur des preuves. Et parmi les preuves qu'ils ont rapportées, les savants, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ali, il a demandé en mariage sa fille Fatima, radiallahu ta'ala, anhum. Et qu'est-ce qu'il a dit dans une des versions du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une version qui est rapportée par l'imam Ahmed ou Tabarani, et qui est une version la ba'sabi, c'est-à-dire donc où il n'y a pas de mal, c'est-à-dire on comprend par ce terme qui est acceptable, comme l'a dit Ibn Hajar, et comme l'a confirmé l'Albani. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc, à cette occasion-là, innahu la budd lil urs min walima. Innahu la budd lil ursi min walima. C'est-à-dire, il faut, donc ici à tout prix, donc obligatoirement, c'est ce qu'on comprend donc du terme innahu la budda lil urs min walima. Il faut obligatoirement donc pour l'urs, donc pour cette fête-là, al walima. Donc, cette nourriture que l'on va consommer durant cette occasion, cette bonne occasion. Ça, c'est la première preuve. Donc, elle est claire. Et la deuxième preuve également, qui est un hadith, qui est un long hadith, lorsque Abd al-Rahman ibn Awf s'est marié, et lorsque le prophète sallam lui a dit Aoulim walaw bisha, et qui est un hadith rapporté par le Jama'a. Et donc, bien entendu, ici, le verbe Aoulim, qui vient du terme donc Aoulama, et qui veut dire donc pratiquer al-Walima, c'est-à-dire donc faire cette walima, aoulim, il est tout simplement alal amr, c'est-à-dire qu'il a un impératif. Aoulim wala ubisha, c'est-à-dire donc fais ou prépare cette nourriture, et même si c'est un seul mouton. Aoulim. Donc le verbe il est ici al amr, il est donc un impératif, et comme on sait cette règle connue, al amr yaqtadi al-wujub, c'est-à-dire donc l'impératif va impliquer l'obligation. Taïb. Donc c'est pour ça que ces savants, en se basant sur ces hadiths qui sont clairs, ils disent que c'est une obligation. Et c'est comme tel, en revenant donc au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour ce qui est de al-waqt, pour ce qui est donc du temps, il faut savoir que les savants, ils disent que cela se fait inda al-dukhul, c'est-à-dire bien entendu au moment où il y aura eu la consommation du mariage. Taïb. Et certains savants donc, comme Cheikh Al-Albani et d'autres, disent que c'est 3 jours après qu'il y ait eu la consommation du mariage. C'est ce qui a été rapporté du prophète. De façon générale, cela revient bien entendu aux habitudes des gens. Et il n'y a pas bien entendu ici de ce qui est obligatoire ou de ce qui est ce que l'on doit à tout prix faire, c'est-à-dire l'amr wasi'a, c'est-à-dire que la chose ici est générale. Que l'on fasse après, ba'dahu, ou un date de roule, etc. Pour ce qui est bien entendu de cette fête-là et de cette walima, il y a bien entendu des sunan et des adab, c'est-à-dire des choses qu'il est recommandé de faire. Et parmi ces choses-là, ce qui revient à celui qui va inviter, qu'il invite dans un premier temps ceux qui sont pieux, qu'il invite uniquement ceux qui sont pieux. D'après ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapporté par Abu Daoud wa Tirmidhi, et qui est un hadith hassan, dont la chaîne de transmission est acceptable, rapporté également par l'imam Ahmed. La tusahib illa mu'minan. C'est-à-dire donc, ne sois en compagnie que du croyant. Wa la ya'kul ta'amak illa taqiyun. C'est-à-dire, et il ne mangera taqi. Illa taqiyun. Celui qui est pieux. Ça, c'est la preuve qui est de façon générale et qui vient bien entendu s'appliquer à ce jour-là, al-walima, le jour de l'urs. Et également, c'est pour ce qui est de l'interdiction ici. C'est-à-dire qu'il est interdit d'inviter uniquement ceux qui sont riches. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, il dit « Sharru al-ta'am, ta'amul walima, yud'a ilayha al-aghniya, wa yumna'uha al-fuqara » C'est-à-dire donc, le pire, la pire des nourritures. C'est la nourriture donc de al-walima, de ce jour-là. Yud'a ilayha al-aghniya, c'est-à-dire qu'on appelle ou qu'on invite à elle les ceux qui sont riches, al-aghniya. Et on interdit ceux qui sont pauvres. Donc ici c'est un tahrim, c'est une interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on en profite que c'est interdit. Et pour ce qui est donc, ça c'est pour celui donc qui va inviter. Il invite les pieux et il invite donc tous les gens. Il n'invite pas uniquement ceux qui sont riches, mais tous, même les pauvres. Ça c'est pour celui qui invite. Et pour celui qui répond, qui doit répondre, il faut savoir que pour celui donc qui va répondre à l'invitation, est-ce que cela c'est obligé, c'est une obligation dans son droit ou pas? Il faut savoir que la plupart des savants disent que c'est une obligation, que c'est une obligation de répondre donc à cette invitation, et plus précisément Da'wat al-Urs, donc l'invitation de cette fête là que c'est donc obligatoire. Ils vont se reposer également, ou ils vont reposer leur avis sur des hadiths qui sont clairs au niveau de l'argumentation. Le premier hadith, qui est un hadith d'Ibn Omar, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim. « Idha du'ya ahadukum ila al-walima fali'atiya » C'est-à-dire, si un de vous est invité à une walima, alors qu'il vienne. Et de même ici, comme on comprend la preuve, « fali'atiya hadha amr » C'est-à-dire ici, le verbe est un impératif, donc c'est une obligation. Également, il y a une autre version, ou plutôt ce qui vient s'ajouter à cette version, et par une chaîne authentique auprès d'Abu Ya'la et d'autres encore. وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ Celui qui ne répond pas donc à l'appel, ou plus précisément à l'invitation, alors il a désobéi à Allah et son prophète. Donc ça c'est les plus clairs pour prouver et pour argumenter que répondre c'est une obligation. Là où bien entendu elle va, l'obligation va être dissipée ou va, ne va plus être une obligation, au moment bien entendu où la personne elle a une excuse. Et ce qui va rentrer également dans les excuses, comme on l'a vu, c'est lorsque dans cette invitation on va s'apercevoir il y a du haram, il y a ce qui est interdit, et là il n'est pas possible donc de s'associer à eux dans cette fête-là. Lorsqu'on a parlé, bien entendu, de celui qui doit répondre à l'invitation, il se peut, et c'est la question qui va venir ici, il se peut que la personne, elle soit sa'im, c'est-à-dire que la personne, elle jeûne ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? En réalité, elle doit répondre elle aussi. Elle doit répondre, d'après un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que l'on cite, qui est un hadith apporté par l'imam muslim, il doit répondre à cette invitation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: "Idha du'iya ahadukum ila at-ta'am falyujib, fa in kana muftiran falyat'am, wa in kana sa'iman falyusalli." Yani ad-du'a. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que si celui ou si l'un d'entre nous a été invité donc à un plat, c'est-à-dire à une nourriture, alors on doit y répondre, falyujib. Et si bien entendu il n'est pas jeûneur, yani muftiran, falyat'am, c'est-à-dire qu'il mange. Wa in kana sa'iman falyusalli. C'est-à-dire que s'il est jeûneur, falyusalli. Et bien sûr, as-salah, au niveau de la langue arabe, on sait que, au niveau de la langue arabe, c'est ad-du'a. C'est en réalité l'invocation. Et c'est le terme ici employé, c'est ce qu'il veut dire ici. Au niveau, bien entendu, du terme de la langue arabe, falyusalli, c'est-à-dire falyad'u. C'est-à-dire donc qu'il invoque pour la personne. Yani bid-du'a. Comme cela, bien entendu, a été expliqué par ceux qui ont rapporté le hadith. Yani bid-du'a. Bien entendu, ça c'est dans le cas où celui qui va jeûner ou celui qui est en train de jeûner, il est en cas d'obligation. Il est par exemple en cas d'obligation. Que ce soit le jeûne obligatoire, que ce soit al-qada, donc il rattrape un jour, ou que ce soit également yani al-siyam al-kaffara, donc ce soit un jeûne concernant l'expiation, ou siyam an-nadhar, c'est-à-dire donc le jeûne concernant le vœu, etc. Par contre, s'il est mutatawwi', c'est-à-dire que s'il fait un jeûne tout simplement comme le lundi, le jeudi ou les trois jours par mois, etc., s'il le fait de son plein gré et que ce n'est pas une obligation qu'il est en train de faire, alors il a le choix à ce moment-là. Il a le choix et cela va être encore plus appuyé si celui qui vous a invité yulir, c'est-à-dire qu'il insiste. Et par rapport à cela, bien entendu, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et l'imam Ahmed. Où il dit que le Nabi sallam, « Iza du'a yahadukum ila ta'am fal yujib, fa insha'a ta'am wa insha'a tarak. » C'est-à-dire que celui donc qui est invité alors qu'il réponde, et s'il veut, il se nourrit. Et s'il veut, il délaisse. S'il veut, il se nourrit. Et s'il veut, il délaisse. Et le deuxième hadith qui vient nous prouver également, et qui est un hadith très clair, et qui également nous donne une faïda, c'est-à-dire un profit, pour ce qui est du jeûne de manière générale, du surérogatoire. As-sa'imu al-mutatawwi' amiru nafsi, insha'a sama wa insha'a aftar. C'est-à-dire, ce hadith qui est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i, fil Kubra, ou al-Hakim al-Bayhaqi, et dont l'isnad est authentique. Celui qui jeûne, et bien sûr à titre surérogatoire, alors il est le maître de lui-même. C'est-à-dire qu'il a le choix en lui-même. Insha'a sama, c'est-à-dire s'il veut, il jeûne, c'est-à-dire qu'il continue son jeûne. Ou insha'a aftara, c'est-à-dire que s'il veut également, il peut rompre son jeûne. Il peut rompre son jeûne. Et s'il rompre son jeûne, il n'aura pas à le rattraper. Il n'aura pas à le rattraper. Parce que, par rapport à cela, ça ne rentre pas dans une obligation. Et donc, on ne peut l'obliger à rattraper ce jeûne qui était dès l'origine ce qui était mustahab, ou arfouan, ce qui était tatawwa'an, ce qui était en fait de son plein gré, et à titre surérogatoire, et qu'il a fait de lui-même. Et le deuxième également hadith que l'on cite par rapport à ça, c'est le hadith de Aïcha, radiallahu ta'ala anha, et qui est un hadith rapporté par l'imam An-Nasa'i, bi-isnadin sahih, qui est une chaîne de transmission authentique, authentifiée par Cheikh Al-Albani, comme a fait l'Irwa, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré un jour, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yoman, c'est-à-dire qu'il est rentré auprès de Aïcha. Faqala hal indakum shay, est-ce que vous avez quelque chose? Faqultu la, qal fa inni sa'im. Alors il a dit à ce moment-là, je suis sa'im, c'est-à-dire que je jeûne. Donc à partir de là, il a dit, je suis jeûneur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le premier cas, où il n'a rien trouvé, il n'y avait rien à manger, parce qu'il est venu chez Aïcha, il a tout simplement dit « fa inni sa'im », c'est-à-dire donc, il a jeûné. Parce que c'est son choix. Et il est dans ce cas-là mutatawwi', c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation qu'il est en train de faire, mais il est surérogatoire. C'est-à-dire que c'est le cas où c'est une surérogation. « Thumma marrabi ba'd dhalika al-yawm wa qad uhdiya ilay his » C'est-à-dire donc qu'on avait offert à Aïcha une sorte donc de nourriture qui est faite à base de tamr et autres. Donc on lui avait donné en cadeau ce jour-là. Et elle l'avait laissé de côté pour lui. فَخَبَّأْتُ لَهُ مِنْهُ Donc je l'ai laissé de côté pour lui. وَكَانَ يُحِبُّ الْحِيسِ فَقَالَ أَوْ قَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنَّهُ أُهْدِيَ لَنَا حِيسِ فَخَبَّأْتُ لَكَ مِنْهُ قَالَ أَدْنِيهِ أَمَّا إِنِي قَدْ أَصْبَحْتِ وأنا صائم فأكل منه ثم قال إن مفصم المتطوع مثل الرجل يخرج من ماله الصدقة فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. Donc lorsqu'elle lui a dit Aïcha qu'elle avait délaissé ou qu'elle avait mis de côté pour lui donc cette nourriture, alors il lui a dit de s'approcher, et ensuite il a dit j'étais dès le matin صائم, donc avec cette niya, et ensuite il a mangé, et une fois qu'il a mangé, il a précisé ce qu'il avait fait. Et il a dit donc cet exemple. Il a dit comme celui qui jeûne, donc qui est un jeûne de l'ordre du surérogatoire. Comme la personne yukhrij min malihi sadaqa. Mithra rajul yukhrij min mali sadaqa. C'est-à-dire qu'il sort de son argent une aumône. Fa'insha amdaha. C'est-à-dire s'il veut donc, il va la donner. C'est-à-dire qu'il va la donner jusqu'à la fin. Donc, il va continuer donc à donner cette sadaqa. Il a eu l'intention de la donner, il la donne. Taïb, wa insha habasa. C'est-à-dire que s'il veut au dernier moment, il la garde pour lui. Il n'est pas obligé de la donner. Il la garde pour lui au dernier moment, s'il voit cela. Taïb. Donc tout simplement, ça nous prouve pour celui qui veut le jeûne, c'est de même. C'est exactement la même chose. S'il veut, il jeûne jusqu'au bout. Et s'il veut, il peut donc casser son jeûne sans rien devoir par rapport, bien entendu, à la législation. C'est-à-dire qu'il n'a pas rattrapé ce jour et il n'a pas commis un péché. Parce que c'est pour lui permis.